Salut Charline. Alors, je vous ai manqué hier. Ah, t'étais pas là hier, toi? Non. Mais si, enfin, t'étais là. Non, il était pas là, je crois. Ah oui, t'étais pas là. Bon, en tout cas, l'émission était très sympa. Bah, chouette. Bon, on reçoit qui aujourd'hui? Elise Moon. Génial, j'adore Elise Moon. Elise Moon, c'est Kevina, c'est Micheline. C'est Dieudonné, surtout. Oui, mais quand même, ça doit être bizarre pour lui. Il est juif et l'autre devient antisémite, il doit prendre pour lui. Voilà, c'est ça. Bah, ouais, mais par exemple, moi, je pourrais devenir belgophobe à cause de vous. Enfin, non, mais c'est comme dans le duo Nolo-Zemmour, tu vois. Zemmour est juif, peut-être qu'un jour Nolo va devenir antisémite. Non, dans le duo Nolo-Zemmour, c'est clair, c'est le même qui fait le juif et le facho. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, les sujets du jour. Et bien, il y a le nouvel album de Johnny. Oh, j'adore Johnny. Ah oui, et c'est quoi le sujet? Ben si, en fait, il s'est fait écrire des chansons par des gens improbables. Ah bon? Jeanne Chéral, Vincent Delerme. Vincent Delerme a écrit pour Johnny. Génial, je te promets de prendre le métro à Clichy. Je te promets de voir les films de Visconti. Ça va, ça va. Je prends le sujet. Ok. Mais alors, peut-être on peut faire toute l'émission avec des chansons de Johnny. Non, comme sujet, on a encore la fusion d'Élise PS et Républicain dans le Nord. C'est bon. Enfin, je prends. Enfin, c'est le sujet. Pénible, ces chansons. Un sujet sur le Gorafi aussi. Ah oui, mais très bien. On aime tous le Gorafi. Oui, hein. On a tous quelque chose en nous. Stop, Alex. Non. Et si tu continues, on va tous détester Johnny et ce sera à cause de toi. Ah oui, moi je le sens. Je suis déjà un petit peu Johnny sémite. Que Johnny, que Johnny. C'était bien hier. Oui, c'était bien. C'était mieux avant. France Inter, bonjour à tous, vous écoutez l'émission qui dope l'actualité à coups de peau belge. Et voici les trois informations qui vont affoler le chronomètre. Manuel Valls, c'est pas le genre à encourager le retrait des listes, mais plutôt la fusion des listes. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Le Gorafi sort un nouveau best-of avec un guide pour devenir journaliste, accompagné d'une carte de presse à découper. La parodie de journaux, un genre bien ancré dans la tradition française depuis quand même assez longtemps. Hein. Et c'est aussi la saison des figues à Jonquière-Saint-Vincent dans le Gard. Nos spécialistes de la figue, Jean-François Garcia et Nicole Chastel. Johnny sort son 50e album et pour la 49e fois, il est meilleur que le précédent. Hein, mais qu'en pense Johnny lui-même? Oh ben, j'en pense pas grand-chose. Hein. Je pense que c'est pas terrible. Et c'est pour ça qu'on va en parler ensemble. Et je suis accompagnée pour ça de celui qui, sous ses airs de prince de Lu, a un aigle tatoué sur le dos. C'est Alex Vizorek. Je vous remercie de me dénoncer. Bonjour Charline Manounaker. Et aujourd'hui, autour de la table, eh ben, il y a pas mal de monde. À 17h20, c'est le Jackson Pollock de la chronique. Pour lui, le thème n'est jamais une contrainte puisqu'il décide du thème qu'il a envie de traiter après avoir écrit sa chronique. C'est Hippolyte Girardot. Bonjour. Mais bonjour Alex et bonjour Charline. Et de quoi, on va Regarde comment je parle. Il y a trois personnes. Et donc, en fait, aujourd'hui, j'ai parlé de l'hôtel. Très bien, très bien avancé. À 17h30, lui est capable de faire dire n'importe quoi à n'importe qui. D'ailleurs, il est tellement bon pour vous faire accoucher de choses que vous ne vouliez pas qu'il aurait pu être l'obstétricien de Véronique Courgeot. C'est Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline et bonjour Véronique. Nous sommes le 13 novembre et c'est aujourd'hui la journée internationale de la gentillesse. J'ai donc appelé des gens avec qui j'avais envie d'être gentil, par exemple, des CRS. Non, si, c'est gentil, mais vous encombrez la ligne, monsieur. Oui, ils n'étaient pas tous aussi gentils que moi. À 17h40, quand elle nous parle, on ne voit pas le temps filer. Et d'ailleurs, par empathie envers nous, elle s'arrange pour elle non plus ne pas voir le temps filer quand elle fait sa chronique. C'est Isabelle Sorrente, bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline. Et de quoi on va parler? De coiffure aujourd'hui. Très bien, je me sens très concerné. À 17h55, c'est aujourd'hui la journée de la gentillesse, on a donc hésité à le déprogrammer. Mais il sera quand même là. C'est Frédéric Fromet qui viendra nous chanter sa chanson. Allez, notre invité est né sous Charles de Gaulle. Vous jouez dans la série télé Vivement Lundi en 88. C'est l'année où débute l'émission Lunettes Noires pour Nuit Blanche de Thierry Ardisson. Vous sortez les petites annonces en VHS en 95. C'est l'année où l'artiste qui vend le plus de disques, c'est pas Philippe Risoli, c'est Céline Dion. Et vous sortez votre premier album musical en 2003, la même année que le premier album de Carla Bruni. Et vous êtes... Je suis Clara Morgan. j'ai mon invité parce qu'en fait je me méfiais de vous. Je voulais pas venir tout seul. J'ai mon cher ami Fabrice Drouel, en fait, qui vous précède dans Affaires Sensibles. Ah, c'est vous, Fabrice Drouel. Je conseille à tous les auditeurs de France Inter, s'ils ne connaissent pas encore son émission, je pense qu'ils le connaissent, de l'écouter. Affaires Sensibles de 15h à 16h. Je suis son attaché de presse. C'est très bien. Vous êtes Non, j'ose pas le dire. Je ne prononce pas mon prénom et mon nom. Élie Drouel. Voilà, exactement. Sur France Inter. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. La présence de Fabrice Rouel qui vous permettra, alors, à Alice et Moon de faire un appel à un ami en cas de... Ah oui, oui, oui, de, si de... jamais vous me posez des questions, voilà, gênantes, exactement, c'est lui que j'appelle. Voilà. J'ai bien fait de venir. Je vous explique pourquoi, oui, il est là, bah, ou oui, pas. Parce que voilà, en fait, je suis fan de France Inter. J'ai dit la même chose à Europe 1 et RTL. Et non, j'écoute beaucoup son émission. Et j'ai une amie très chère qui adore aussi son émission. C'est elle aussi qui me l'a présenté. Enfin, qui, bon, bref, on s'en fout. Est-ce qu'il y a du coït sur les émissions de Fabrice Rouel? Ah oui, oui, vraiment. Bien, un orgasme radiophonique. Ouais. Hein, vraiment. Et donc, j'ai fait une émission pour D8 qui va passer le 21 novembre. Et j'ai voulu absolument que Fabrice l'habille vocalement. Ah, oui. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et c'est une émission qui va être très très étonnante, que je vous conseille de regarder sur D8 le 21 novembre. Avec Cyril Hanouna. Ne regardez pas, non, pas du tout. Non, d'accord. Ne regardez pas Danse avec les stars ou qu'est-ce qu'il y a le samedi soir ou Patrick Sébastien, ouais, un truc comme ça, voilà. Donc ce ne regardez pas ça, allez sur D8. Ça va s'appeler Elise Moon, l'effroyable vérité. Et j'ai trouvé un concept très original, n'est-ce pas, Fabrice? Je confirme. J'ai avec moi tous mes potes. Il y a une quinzaine de vedettes, on va dire, qui ont joué le jeu. De Jamel à Muriel Robin, à Pierre Palmade, à Franck Dubosc, à Manu Payet, à Max Boublil, à plein de gens qui ont joué le jeu et qui sont allés à fond dans le concept original que j'ai trouvé. Et que vous voulez. Très original. Ouais, ça, c'est, il y a du suspense. Vraiment, non, c'est très très original. N'est-ce pas, Fabrice? Aide-moi. Oui, mais c'est un peu la même démarche avec vous, Charline, de temps en temps, quand je viens dire quelques faits divers, vous vous souvenez? On fait faire des sketchs à Fabrice, voilà, Drouet, de temps en temps. On prend le ton grave d'Affaires sans slip pour raconter des choses qui n'ont pas d'enjeu. C'est ça le ressort, éventuellement, et comique, éventuellement. Et comme ça, on entend le son de votre voix, donc qui séduit Elise Moon. Elise Moon, vous êtes au grand point virgule à partir de mardi prochain, oui, le 17 novembre, avec un nouveau spectacle. Que vous n'avez pas vu. Qu'on n'a pas vu, mais parce on va expliquer pourquoi. Oui, parce qu'il est nouveau. Parce qu'il ne s'est pas encore joué. On se posait la question de savoir comment vous alliez faire pour vanter les mérites de mon spectacle alors que vous ne l'aviez pas vu. Eh bien, c'est pas vanter les mérites, c'est moi qui vais devoir bosser, en fait. Nous, on ne vante jamais, voilà, les mérites, on essaye de comprendre plutôt. Ah, d'accord. Et alors, Kevina est loin derrière, vous aviez fini pour objectif de vous renouveler et c'est un spectacle que vous avez écrit. Est-ce comme que vous considérez l'avoir écrit relativement vite? Les idées ont jailli vite pour vous renouveler. Bah, vous pensez que je l'ai écrit en 3 mois, mais je l'ai écrit en 1 an. Mm-hmm. Donc, y a une petite... non, j'ai mis du temps, mais il faut mettre du temps, hein, pour écrire. Et puis parfois, on a des flashs comme ça. L'inspiration, je suis avec des gens qui écrivent. L'inspiration, elle n'est pas automatique. Puis parfois, elle peut venir. C'est une alchimie très très bizarre. C'est-à-dire que quand elle arrive, vous la happez, vous ne la lâchez pas, vous restez quand je suis en période d'écriture. Votre... Ou alors, il y a des vieilles idées qui date de... Je me rappelle quand j'étais avec Bip au festival... Appelons-le Jean Roucas, voilà, pas d'ambiguïté. J'étais à Montréal et j'ai vu un artiste que j'adore et qui est devenu un copain qui s'appelle Jean-Marc Parent, qui est un artiste québécois, canadien, québécois, mm-hmm, et qui avait un sketch sur... Il était sur une chaise roulante et il faisait un handicapé qui parlait comme ça. Et ça nous avait choqués avec Dieudo, on s'était dit, mais il ose faire ça, c'est génial. Et 15 ans après, ben, c'est moi qui le fais. J'ai pas repris son sketch, évidemment, mais j'ai osé faire un personnage comme ça. Ça fait partie et de vos personnages. Et dans mon spectacle, voilà, il y a... C'est horrible, hein, je vais vous faire une liste de monstres. Ils sont monstrueux. Il y a un pédophile, oui. Il y a... Un handicapé n'est pas forcément monstrueux, hein, non, quand même. Non, bien sûr, mais... Ce que je veux dire, c'est que ça grossit très pour qu'il le soit. Oui. Non, mais sa vie... c'est difficile à vivre, voilà. Donc il drague sur Skype et pour la fille qui le voit, c'est pas évident, voilà. Donc il y a un décalage en fait. Donc il y a des personnages. Vous n'êtes pas passé au stand-up comme certains. Non. Non, vous avez remarqué, j'ai laissé tomber. Est-ce que c'est un spectacle que vous avez déjà rodé ou alors ça sera vraiment la première? Je l'ai joué quelques fois. D'abord, je l'ai rodé à la Nouvelle Ève, c'est une petite salle qui est géniale du côté de Pigalle. Et puis j'ai fait une trentaine de dates. Voilà, la semaine dernière encore, et ça marche très très bien. Et parmi les personnages, Oussama Ben Dubois, djihadiste débutant, oui. Xavier, l'handicapé moteur. Hashtag djihad, je veux devenir un martyr.com. Voilà. Alors il dit qu'il a lu tous les livres, martyr à la plage, martyr à l'aéroport, martyr prend l'avion. Il demande si seul jour férié, c'est le 11 septembre. Voilà, il s'engage dans le djihad comme s'il s'engageait au Club Med, mais... Je crois qu'il fait une grosse erreur. Élise Semoun est avec nous. Parmi ses personnages, il y a aussi Jean-Louis, le nouvel élu d'une mairie fasciste. Il y a aussi un pervers ravi des rapports humains en Thaïlande et bien d'autres. C'est à partir de mardi 17 novembre à partager au Grand Point Virgule cette Élise Semoun en notre compagnie jusqu'à 18h. The Cure sur France Inter en compagnie d'Élise Semoun. Et une grosse tablée. Alors, dans l'ordre d'apparition, Hippolyte Girardot, Guillaume Meurice, nous avons Isabelle Sorrente. Et il est là, il est parmi nous. C'est Fabrice Drouel qui est venu, car toujours, il sera la voix off d'un programme dont on ne peut pas en dire plus. Mais le 21 novembre sur D8, voilà. Tout orchestré par Élise Semoun, notre invité. Voilà, Fabrice Drouel qui est l'invité d'Élise Semoun. Fabrice qui est mon joker. Je ne peux pas vraiment. Posez-moi des questions gênantes, il répondra à ma place. Voilà, ce sera votre joker. Tout au long de cette émission. Dieudonné est antisémite. Alors, Fabrice. La dernière fois que j'ai eu au téléphone, il a dit non. Bon. Très bien. Allez, à cette heure-ci, Fabrice Noël prenait des notes. Regardez deux journalistes professionnels en action. Hein, c'est le journal, hein, c'est le vrai journal de France Inter. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Les titres de ce vendredi 13 novembre, journée mondiale de la gentillesse. Claude Guéant est condamné à 2 ans de prison avec sursis dans l'affaire des primes en liquide et ça nous attriste beaucoup. Affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, Benzema a reconnu qu'il devait servir d'intermédiaire et ça c'est gentil. Il a voulu aider son ami à produire ce film. Et quelques brefs parce que j'ai décidé d'être gentil avec vous, Alex. Ça fait plaisir. Et on commence par le passage de Fabrice Luchini aux 20h de TF1. Effectivement, il a parlé de pas mal de choses, notamment de la proximité avec certains hommes politiques. Il a dit, j'étais dîner avec François Hollande, mais pas que. Je rencontre souvent des hommes de droite, Fillon, Macron, que j'aime beaucoup. C'est drôle, ça. Macron de droite, ça doit être un lapsus, on n'avait pas fait ça. On reste à droite alors. Oui, avec Le Parisien aujourd'hui en France qui nous gratifie d'un article sur les porte-bonheur des politiques. On apprend notamment que Laurent Wauquiez garde dans sa poche un marron. Ah, c'est très intéressant. Bah, vous trouvez ? Bah oui, parce que c'est la première fois qu'un marron a de la valeur aux yeux d'un gland. Passons à la gauche. Avec cette info du Parisien qui nous fait découvrir Yaya Diallo, un militant PS du 9-3, très introduit dans les milieux franco-africains. Et alors ? Eh bah, il est allé consulter il y a 2 mois en Casamance un marabout pour savoir si Claude Bartolone allait battre Valérie Pécresse. Et apparemment, le marabout est formel. Ça va être difficile pour Claude, mais il va gagner, c'est sûr. Ah mais c'est sûr. C'est sûr. Et pour obtenir cette réponse, c'est véridique, Yaya Diallo a été obligé de se soumettre à la tradition du sacrifice. Il a tué un mouton, un bœuf et qu'il a partagé avec en 115 parts pour tous les villageois. Ah oui, donc alors c'est sûr. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Valérie Pécresse espère donc attirer Paco Rabanne et Elisabeth Tessier dans son comité de soutien pour équilibrer les chances. Art à présent, record mondial pour un tableau de Modigliani vendu aux enchères à New York. Pile le jour où Guéant est coupable, le marché de l'art remonte. Notez qu'en plus des 2 ans de prison avec sursis, Claude Guéant est condamné à 75 000 euros d'amende et 5 ans d'interdiction de toute fonction publique. Voilà, si Sarkozy se repasse, on se prive d'un grand ministre de la culture. Vatican. Le pape François veut des prêtres plus simples et à l'écoute. Il cite Saint François d'Assise, mais également Don Camillo. Et oui, des prêtres comme Don Camillo, proches des petits paroissiens, qui leur donnent leur nouille. Oui, ça, ça existe déjà. Sport à présent, football avec cette alerte à la bombe dans l'hôtel Molitor à Paris. Oui. C'est l'hôtel qui héberge l'équipe d'Allemagne à Paris. Exactement, et l'hôtellerie s'est immédiatement portée candidat fort d'une belle expérience dans l'accueil d'Allemands à Paris. Technologie à présent. Oui, le casque audio est devenu un objet tellement à la mode que de nombreux journaux ont testé cette semaine le casque le plus cher du monde, 50 000 euros. Oula, oui. Ouais, si tu écoutes Lara Fabian avec ce casque, c'est comme aller faire tes courses en Mirage 3000. Hein. C'est à peu près ça, et on termine par une brève, je vous la donne, je vous lis le titre comme il est. Une femme meurt dans le jacuzzi, noyée sous son mari qui a fait un infarctus. Vous avez plus d'informations? Oui, j'ai lu l'article, évidemment. Un titre comme ça, ça m'a complètement attiré. Un couple de sexagénaires canadiens est mort après une séance dans le bain à bulles d'un hôtel mexicain. Il semble que la femme soit morte noyée. Fabrice, il va falloir enquêter là-dessus. Affaire sensible. Affaire sensible, l'affaire du jacuzzi. Se dégager sous le poids de son mari qui venait de faire l'infarctus. Donc elle a été veuve très peu de temps et sous l'eau. Et puis si vous aimez ce style de brève, oui, n'hésitez pas, il n'y a pas que ça. Et l'art aussi, Alex Vizorek est au studio des Champs-Élysées, dimanche soir et lundi soir. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Je fais des blagues. Ah d'accord, ouais. Moi je fais mes courses au Monoprix à 16h le mercredi, si ça intéresse quelqu'un. A priori, on me paye pour les Alors, faire. Alors je sais que mardi, vous avez votre audimat là, radiophonique. Oui, le 18 novembre. Je peux vous dire déjà qu'on vous écoute en Thaïlande. C'est vrai? Il y a une copine qui s'appelle Jeanne, salut Jeanne, et voilà, qui vous écoute en Thaïlande. Donc vous avez, je ne sais pas si on va l'appeler, si elle va faire partie des... Du panel, mais en tout cas, il y a au moins 2 ou 3 personnes qui vous écoutent en Thaïlande. On a 2 ou 3 copines aussi, avec Guillaume et moi, qui nous écoutent en Thaïlande, donc ça fait... Quel âge? Ouais, à peu près. D'accord, ok. Élise Moon, vous pouvez le voir aussi, au Grand Point Virgule, c'est à partir de mardi. Et ça s'appelle À Partager, c'est son nouveau spectacle. Allez, jusqu'à... Et moi, je fais mes courses sur Auchan, mardi aussi. Très bien. Vous ne voulez pas traiter le premier sujet, en fait, c'est ça qui se passe. Premier sujet, on y va. Oui, en plus, vous avez un joker avec vous, donc Manuel Valls. C'est vendredi, c'est un peu la... On a le droit de faire ce qu'on veut. Vous avez bien compris, c'est casual. Moi, franchement, vos sujets, là, ils m'emmerdent. Alors, je sais pas quoi vous dire. Moi. Non, ils sont très bien. Écoutez, juste pour le son, on va le lancer, vous allez voir. D'accord, allez. Manuel Valls est favorable à une fusion des listes de gauche et de droite dans le Nord. Comme ça, on vous informe en même temps. Pour battre le Front National. Au deuxième tour. Le mec a bossé. Exactement. Très bien. Donc, il propose une sorte de fusion UMPS. C'est ce que proposait. Voilà, c'est ça. Une révolution qui fera naître une créature étrange et inquiétante. Et bien, quand ça va arriver, nous, on sait déjà ce que va dire Manuel Valls. L'ordinateur a été ennuyé. Il ne devait pas y avoir deux systèmes génétiques séparés, alors. Et il a décidé de nous fusionner tous les deux. Il nous a unis. Nous n'avions même pas été présentés avant. Oh mon Dieu! Que va-t-il t'arriver? Oh, c'est en train de devenir une sorte de cancer, mais de forme bizarre. Quoi? C'est un chaos, une révolution cellulaire générale. Je vais être désintégré. D'une manière nouvelle, sans doute. Et alors je mourrai, et ce sera fini. Non, je ne l'accepte pas. On peut sûrement faire quelque chose, je ne sais pas. Trouver quelqu'un qui nous aiderait. J'ai peur. Aide-moi. Ça va se passer comme ça. C'est bien joué, en tout cas. Vous avez parce qu'on peut remarquer. La mouche. Non, c'est quoi? La mouche. Oui, Isabelle Sorrent. Alors c'est doublé, donc c'est plus dur. Mais la mouche, David Cronenberg, bravo, effectivement. Donc une créature bizarre va naître, une hypothétique liste PS et les Républicains pour contrer le FN au second tour régional. J'ai entendu dire que ce serait une grosse erreur et que c'est ça qui amènerait le Front National à vaincre encore plus. Ça, c'est l'autre pan de la question. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez? Qu'il faut tout faire pour battre le Front National ou Oui, bien sûr, il faut tout faire. Mais est-ce qu'il faut faire ça? Je ne sais pas. Oui. Je veux dire, on n'a pas la réponse. Vous lancez votre joker. On aura la réponse à la fin du premier tour. Fabrice, là, ils attendent votre réponse. Fabrice. Oh, taisez-vous, silence. C'est compliqué. Ah. Moi, ça me la voix de la sagesse. Ça me renvoie aux années 80, lorsqu'il y a eu un débat terrible pendant l'avènement du Front National. La question, c'était est-ce qu'on fait entrer le Front National dans le champ démocratique? Ou est-ce que ça veut dire qu'on fait entrer le loup dans la bergerie? On a décidé de faire entrer le Front National dans le débat démocratique. Je pense qu'il faut assumer maintenant, d'un point de vue de la vie politique. Après, sur le fond, c'est autre chose, bien sûr. Mais dans la vie politique, quand j'entends parler de Front Républicain, un Front Républicain, ce sont les Républicains contre les non-Républicains. Or, le Front National est dans le débat démocratique. Et que je sache, le Front National n'entend pas prendre le pouvoir par un putsch, hein, mais par les urnes. Donc je pense qu'il faut que nous assumions. Et si on veut empêcher que le Front National arrive au pouvoir, c'est par le combat des idées. Ok, on est foutus. Ok. Et les amis, vous êtes satisfaits de la réponse de votre joker? Mais alors, mais c'est parfait. Ouais, le joker a bien parlé. Alors, ah ouais, mon joker, il est génial. Là, c'est des calculs politiques pour battre le FN. Est-ce qu'il y a d'autres formes pour combattre le FN? Est-ce que... Vous, c'est une réflexion culture, que vous menez, évidemment. Oui, il faut, bah oui, culture, comme ouais. je l'ai dit souvent, l'éducation. C'est plus facile de haïr que de réfléchir. Donc, quand je l'entends dire que les migrants amènent des maladies, non, mais c'est, mais je rêve. Ah là, j'étais en bagnole, là, sur le périph', et j'ai vu une affiche avec marqué « Choisissez votre banlieue ». On voit une jeune fille maghrébine, je pense, avec un bonnet et les couleurs de la France sur les joues, mm-hmm. et une femme en burqa. C'est ça le choix qu'on a? Non mais ils sont... C'est dingue. Enfin, moi, je suis hyper choqué. Mm-hmm. C'est simple, c'est malheureusement efficace. Et c'est ça qu'il faut combattre. Et oui, combattons par la culture, notamment. Joker, j'ai raison. Mais absolument. C'est validé. Et combattons par la culture. On a une grosse équipe de nous. Et l'une des incarnations de la culture dans cette émission, et de la culture du n'importe quoi aussi, oui. Mais c'est pour ça qu'on l'aime, c'est Hippolyte Girardot. Bah oui, bien sûr. Parce que moi, je vous parle du Japon et de l'hôtel. Parce qu'on a construit un hôtel au Japon. C'est un pays très innovateur hein, en termes d'hôtels de toutes sortes, qui répond à toutes sortes de demandes, de besoins, de spécificités humaines, faisant de l'hôtel un lieu quasiment sacré où la réponse à nos questions et nos angoisses, nos désirs est précise, adéquate, idéale. Eh bien, le Japon a créé l'hôtel des pleurs, le Mitsui Garden à Tokyo. Un hôtel pour soulager la peine. Oui, je sais, j'aurais pu, fidèle à la caractéristique humour de notre émission, dire soulager la pine, cher non. Guillaume. Mais... Pourquoi ça tombe sur moi? Parce que c'est bien avec toi. Excuse-moi. Mais ces hôtels existent déjà. Ce sont les fameux Love Hotels, oui. Où chaque pièce est aménagée pour créer une atmosphère propice aux joies du sexe. Reconstitution de bordel français avec baignoire transparente remplie de champagne. Toilette d'avion avec trous d'air et vibrations inquiétantes. Rame de métro avec passagers et, hélas, chanteur RATP. Chambre d'enfant entièrement Hello Kitty avec hurlements de parents furieux de l'autre côté de la porte. Et plus rare, mais véridique paraît-il, réplique exacte d'un studio d'enregistrement d'une radio nationale française avec ses animateurs, évidemment. Mais ce n'est pas un hôtel pin, hein, mais un hôtel peine dont il s'agit ici. Cet hôtel... est véritablement fait pour pleurer, littéralement. Si vous êtes désespéré, vous vous présentez à l'accueil en larmes et vous donneront une chambre qui vous aidera non pas à être consolé, mais à contrario, à être encore plus triste et à pleurer davantage. Les draps seront verts, le dessus de lit en acrylique jaune, la lumière digne d'un soap opéra guatémaltèque et des boîtes de mouchoirs en papier à bondrons sur les tables de nuit récupérées dans une brocante de Corée du Nord. Vous écouterez les musiques les plus affligeantes et déprimantes qui existent. Vous regarderez des fins de films qui vous feront éclater en sanglots. Et vous lirez des poèmes, car au Japon, la poésie est si populaire que le grand quotidien Yomiuri Shimbun, tirant quand même à 10 millions d'exemplaires, on publie chaque jour plusieurs pages. Vous lirez donc des poèmes qui vous tireront les dernières larmes du fond de votre gorge. Donc, welcome to the hotel, ça va faire mal. L'hôtel où on admet que le chagrin est une émotion qu'on ne peut toujours évacuer par le rire. L'hôtel où même l'hôtesse d'accueil se doit d'avoir l'œil mouillé et des sanglots dans la voix pour être engagé. Et je me suis forcé à faire ma chronique là-dessus, alors que l'actualité me tendait les bras pour une bonne partie de rigolade. Dark Vador en slip avec une pelle laser dans les mains, des situationnistes kidnappant des fauteuils dans les banques pour se rembourser, et les blagues récurrentes de la COP21, dont les Américains aujourd'hui disent même pas peur, etc., etc. Non, mais aujourd'hui, en fait, je voulais envisager le rire sérieusement, et même tristement. Car il arrive qu'on fasse rire en franchissant les limites, que cet humour macabre agglomère ses admirateurs autour de la haine et du rejet, autour de l'inadmissible. Difficile d'en rire, difficile de l'ignorer, mais alors que faire? Un homme qui n'a rien de japonais a pourtant eu une idée qui n'a rien à envier à celle des Nippons. Créer un hôtel de la tolérance où les chambres seraient aménagées dans cet esprit. On parle là d'une ambiance apaisante, à grand renfort de parfums envoûtants, de musique faite uniquement d'ondes alpha, de murs dont les couleurs s'inspireraient de chambres d'enfants. On y emploierait un logiciel qui écouterait nos conversations et émettrait un bip assourdissant quand une insulte sortirait de la bouche d'un des interlocuteurs. Oh oui, emmenez-moi, Hippolyte. Quelques masseurs et masseuses aveugles soulageraient les tensions musculaires. On entrerait furieux, on en sortirait heureux. C'est une utopie d'hôtel et c'est en construction. En hommage à son inventaire, à son inventeur, pardon. La suite du dernier étage sera appelée la suite Ellie. Oh là là, vous n'y attendez pas. Le truc qui arrive par derrière. Hippolyte Girardot. Ah oui, et par derrière. Je pense que Ellie voit à quoi je fais allusion. Tout à fait. À qui tu fais allusion? Kev Adams, évidemment, on l'a tous reconnu. Vous aussi chez vous, jouez avec nous et trouvez de qui il s'agit. En tout cas, Elise Moon est notre invitée jusqu'à 18h. Son spectacle est formidable, c'est parce qu'on ne l'a pas encore vu. Donc pour l'instant, il est encore formidable. Parce qu'on ne l'a pas vu encore. Du coup, on n'est pas influencé. Non, mais il est. Voilà. On a confiance en et vous. C'est quoi, au grand point virgule à partir de mardi prochain. Et puis il emmène son joker avec lui, Fabrice Drouel, pour l'aider à répondre aux questions. Qui bosse le tout sujet suivant déjà. Cherche des solutions pour la France. Si loin de moi, un grain de poussière ici-bas. Si loin de moi, un grain de poussière. Pas choisi d'être seul ici. Pas choisi d'être une anomalie. Va voir ailleurs et viens voir ici. Non, pas choisi d'être seul ici. Suis-je un humain sans futur? Un matériau à autour d'usure. J'ai pas voulu, pourtant c'est ainsi. J'ai pas choisi d'être seul ici. Si loin de moi, un grain de poussière ici-bas. Si loin de moi, un grain de poussière au combat. J'ai pas choisi d'être seul ici. J'ai pas choisi, pourtant c'est ainsi. Va voir là-bas, j'y suis moi aussi. Pas choisi d'être une anomalie. Si loin de moi, un grain de poussière ici-bas. Si loin de moi, un grain de poussière au combat. Si loin de moi, même moi, un grain de poussière ici-bas. Même toi, même toi. Si loin de moi, même moi. Tout tourne autour de toi, même toi, tout tourne autour de moi, même moi, tout tourne autour de toi, même moi, tout tourne autour de moi, même toi, tout tourne autour de toi, même toi, tout tourne autour de moi, même moi. Si loin de moi, un grain de poussière ici-bas. Si loin de moi, un grain de poussière au combat. Si loin de moi, même moi, un grain de poussière ici-bas. Même toi, si loin de moi, même moi, un grain de poussière au combat. Même toi. C'est Louise Attaque, et si ça vous paraît bizarre, ben le titre s'appelle Anomalie. Vous êtes sur France Inter, il est 17h36. On n'a pas écouté l'album tout non plus. Tient. C'est comme avec le spectacle d'Eli, voilà, on ne sait pas. C'est pour ça, mais tant qu'on ne l'a pas vu, c'est formidable. C'est ça qui est génial, Elise Moon, au grand point virgule, à partir de mardi prochain. Donc à cette heure-ci, autour de la table, on va refaire un petit. Alors, je vais faire un tour de table parce qu'il y a du monde. Comme ça, vous n'allez pas confondre les voix. Qui est le patron de cette émission-là? Tout le monde. Ah, d'accord. C'est une espèce de belle anarchie. Nous avons Isabelle Sorrente, nous avons Fabrice Drouel, Guillaume Meurice qui se prépare parce que ça va être à lui. Je suis complètement prêt. Elise Moon, qui je pense aurait bien intégré à l'équipe, et Hippolyte Girardot. Voilà, et à cette heure-ci, c'est ce qu'on appelle le moment Meurice, c'est du comique d'investigation. Ah, très bien. Ou de la comédie, oui, ou de la comédie journalistique. Okay. Et voilà, voici le résultat, c'est le moment. Et oui, et donc aujourd'hui, nous sommes le 13 novembre, et c'est donc la journée internationale de la gentillesse. Attention à ne pas confondre avec la journée mondiale des faux culs, hein, dite journée Michel Drucker. Et attention à ne pas confondre faux culs et anus artificiel, hein, qui est un des accessoires favoris du public de Michel Drucker. Voilà, ces précisions fait, même si ça se voit pas forcément aujourd'hui, j'ai décidé... Personne ne t'écoute. Bon, salut Michel, bien évidemment. J'ai décidé d'être gentil. Ah. Eh oui, auprès de tous les gens avec lesquels il m'arrive parfois d'être un peu méchant, un peu taquin. Il y en a quelques-uns, par exemple les CRS. Bon, il m'est arrivé de me moquer des CRS. Eh bien aujourd'hui, je les ai appelés pour être gentil. C'est un très bonjour. Oui, bonjour, je suis bien chez les CRS. Oui. Oui, bonjour monsieur, ben, je vous appelle juste pour savoir si vous allez bien. Et vous, vous allez bien? Mais moi, ça va très bien. Eh ben, une bonne journée. C'est expéditif hein, chez les CRS. Ils n'ont pas l'habitude bon. Hein, qu'on soit gentil. Non, ils n'ont pas l'habitude, ils ne sont pas connus pour leur gentillesse. Hein. Je rappelle que pour faire sourire un CRS, il est souvent nécessaire de lui coincer les testicules dans la visière de son casque et le serrer très fort. Mais je ne conseille pas de le faire parce que je suis gentil aujourd'hui. Et comme je suis très gentil, je les ai rappelés. Parce que vous comprenez, moi je veux vraiment savoir s'ils allaient bien. Il y a des jours, c'est un peu compliqué. D'autres jours, c'est un peu plus facile. Mais voilà. Pas trop de tendinite au coude à force de taper avec la matraque? Non, ça va, je pense que non. Ça va, tout va bien. On n'a pas trop de blessés à ce niveau-là. Bon, bah très bien. Et vous faites quoi, vous, dans la vie? Moi, je vous appelle parce que c'est la journée mondiale de la gentillesse. Eh ben voilà, bah on a été gentils. Mais je sais que d'habitude, les gens sont pas gentils avec vous. Pourquoi? Bah, vous avez pas une super réputation. Ah bon? Ça, c'est vous qui le dites? Bon, alors, par gentillesse, j'ai pas voulu lui avouer qu'on a tendance plutôt à les voir comme des gros bourrins. Ce qui est faux, hein. Moi, j'ai déjà vu un CRS pleurer. Il était apparemment très ému d'avoir cassé sa grenade lacrymogène juste devant ses yeux. Le gars était inconsolable. Vous voyez, ce sont pas seulement les chiens de garde des puissants. Et puisqu'on parle des puissants, d'autres gens avec qui il m'est arrivé de ne pas être hyper gentil, ce sont les gens du MEDEF. Hein, oui, alors, bon, bah, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah oui. Eh ben, je les ai appelés. Hein. Est-ce que ça va, le MEDEF? Très bien, merci. Tout va bien dans votre vie? Tout va bien. Oui. Vous êtes heureuse? Bon, vous voulez quoi, monsieur? Mais je veux juste savoir si vous êtes heureuse dans votre vie. Non, merci. Allez, au revoir. Attendez, ah, bon, vous m'avez pas répondu. Ah, voilà, c'est dommage parce que vous voyez. Mais ouais, mais moi je tends la main. Non, merci, au revoir. Je tends la main, je fais le premier pas et c'est pas toujours bien récompensé. Bon, peut-être qu'elle savait pas que c'était la journée de la gentillesse. Elle pensait peut-être que c'était une journée comme les autres, hein, où on peut faire la gueule ostensiblement, celle qu'on pourrait appeler les journées mondiales des taxis parisiens. Bon, heureusement pour le MEDEF, moi je suis extrêmement gentil et je ne suis pas susceptible. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je l'ai rappelé. Madame, bonjour. Oui, rebonjour. Je vous rappelle parce que vous m'avez raccroché au nez. Non, non, mais bon, vous voulez quoi, monsieur? Vous téléphonez, donc j'ai des lignes, je travaille. C'est la journée mondiale de la gentillesse, donc j'attendais un peu plus de gentillesse de votre part. Oui, bon, bah, d'accord. Bon, bah, voilà. Bah, voilà. Bonne journée, monsieur. Bah, voilà, mais vous allez me raccrocher au nez encore. Voilà, mais non, j'ai pas le temps d'être gentil ou de parler avec... Voilà. Ah ben c'est la journée mondiale de la gentillesse, donc... D'accord, merci, au revoir. Voilà, elle a pas le temps d'être gentille. Le temps, c'est de l'argent, on est au MEDEF, hein, y a pas de doute. Alors vous avez remarqué qu'elle n'est pas non plus méchante gratuitement. On est au MEDEF, hein, rien n'est gratuit, bien évidemment. Alors je me suis dit, une profession où on a pas mal de temps et pour laquelle j'ai pas toujours montré beaucoup d'affection, c'est la profession de militaire, bien sûr. Et devinez quoi? Bah oui. Eh ben voilà, j'ai voulu me rattraper. Hein, j'en ai contacté un dans sa caserne. Quel est son rapport à la gentillesse? C'est pas notre fond de commerce non plus d'être gentil. Ah oui. Non, ça on avait remarqué. Ah ben, si vous l'avez remarqué, c'est bien, mais je suis quelqu'un de très aimable. Comme vous apprenez à tuer des gens, on peut se dire, tiens, les militaires sont pas très gentils. Alors, on apprend à tirer. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. On dit pas toutes les 5 minutes à nos soldats, je vais vous apprendre à tuer quelqu'un. On va vous apprendre à tirer. Mais alors, quand vous tirez, c'est quand même essentiellement sur des gens, quand même. Ah ben, oui. C'est un objectif, oui, c'est ça. Bien évidemment. On est bien d'accord. Mais alors, est-ce que ça, c'est vraiment gentil? Ah ben, pas forcément pour celui qu'on risque d'atteindre, mais pour ceux qu'on défend, oui. Ah voilà, alors ça, bon, ça c'est de la gentillesse de militaire. Ouais, il y a des gentils, il y a des méchants. Il devait avoir un joker lui aussi. Ouais. Pour résumer, les gentils, c'est pas compliqué, c'est ceux qui sont du même côté que les militaires, pas ceux d'en face. Les militaires d'en face, ce sont les méchants. Ceux qui sont derrière les fusils. Et voilà, mais pas ceux d'en face. Les gentils sont les... Vous avez compris ou pas? Non, c'est très confus, hein, c'est quand même de la gentillesse de militaire. L'essentiel à comprendre, c'est que lui, il était gentil. D'ailleurs, quelle est la dernière chose qu'il a faite de gentil dans sa journée? Oula, alors là, j'en sais strictement rien, comme ça, de but en blanc, ne serait-ce qu'aujourd'hui, déjà de vous prendre au téléphone et de passer un petit moment avec vous. Ah, ça j'avoue, c'est vraiment gentil, et j'en profite d'ailleurs hein, de cette journée, de la gentillesse, pour remercier toutes les gentilles personnes qui acceptent de répondre à mes questions tous les jours, qui aiment bien, châtient bien, et je dois dire à tous ces gens que je les aime beaucoup. Oh, c'est beau. Merci Guillaume Meurice. C'est un hommage. On peut faire un bisou à Nicolas Sarkozy, oui, tout ce à Vincent qu'on Bolloré. On leur fait des cœurs avec les doigts. Oui, on est gentil avec eux toute l'année, mais là, on est encore plus gentil. Encore plus. Les chasseurs de pinsons aussi. Ah oui, oui, bien sûr. On leur fait des câlins. On est sur France Inter avec Élie Semoun. Élie Semoun qui est avec nous jusqu'à 18h. On va aborder avec vous. Ça saura que je suis là. Hein. Bah ouais. Bah, il faut le rappeler. Il y a des gens qui arrivent tout le temps. C'est vrai, il y a des gens qui arrivent. Ils sortent du boulot. Hop, ils allument la radio. Il y a un type qui rentre dans sa voiture. Voilà, d'autres qui arrivent dans le bouteillage, qui fait sa vaisselle. Vous savez ce qu'il dit, le gars qui rentre dans sa voiture? Mais où est-ce que je pourrais aller le voir, Élie Semoun, prochainement en spectacle? Où est-ce que je pourrais? Et il s'est dit ça, bien sûr, je le connais. Et alors, vous vous dites, bien sûr. Point virgule. Voilà, c'est ça qu'on dit. À partir de mardi prochain. Et jeudi, j'aurai la chance d'avoir Fabrice dans la salle. Ah, ça change tout. Et ça change tout. Vous imaginez. Eh bien, évidemment. Fabrice Drouet, le Joker. Ça va hausser le niveau du spectacle. Joker, ouais. Sujet 2, le Gorafi écrit beaucoup et parle peu. Sa rédaction travaille dans l'anonymat. Et la parodie de presse n'est pas loin de mieux se vendre que la presse elle-même. Le Gorafi est une réussite éclatante, mais rendons aussi hommage à ceux qui ont ouvert la voie. Lundi, à l'instar de notre président, François Groland a rendu cette semaine une visite surprise à une Grolandaise modeste dans son petit appartement. Une visite surprise qui a ravi Muflette Loubrou, heureuse de découvrir notre François Groland au naturel. Sous un nouveau jour, même si elle l'avoue, la visite était quand même un peu organisée à l'avance. Ben c'est vrai que c'était un peu préparé. Des gens de la mairie sont venus avant pour amener du lubrifiant et du liaquant. Évidemment, c'était préparé. Tout le monde se pose la question, évidemment. Évidemment, c'était préparé. Il y a forcément des jeunes attachés parlementaires qui sont venus au moins 4 heures avant pour chauffer maman. Un extrait de Groland. Le Gorafi sort un nouveau best-of, a toujours autant de succès, sort aussi avec un guide pour devenir journaliste, une carte de presse à découper soi-même. Hein. Voilà. Des gens qui se moquent du journalisme. Est-ce que, Élie Semoun, vous êtes client du Gorafi? Parce que vous, vos spectacles sont des personnages, évidemment, qui s'inspirent de la société, mais pas forcément de l'actualité. Mais vous êtes client de cette satire politique et de cette satire du monde journalistique? Oui, alors, Joker. Non, la satire politique en général. Parler de ce dont je connais, de ce que je connais, pardon. Donc, je connais pas bien. Je m'intéresse à la politique. Vous êtes très Twitter quand même, non? Oui, très oui, réseaux oui, sociaux. Pas mal. Ouais, vous voyez passer de temps en temps le Gorafi. Oui, ça m'intéresse. Ouais, ouais. Mais je trouve ça très bien fait. Et puis j'ai un bon copain d'ailleurs qui réalise ça, qui réalisait ça pour Canal. Oui, pour le Grand Donc, Journal. Donc je trouve ça dernier. Très très bien fait. Ouais. Mais et le volet où ils sont anonymes, c'est-à-dire que dans le Gorafi, alors il est témoin avec le Grand Journal évidemment, ouais. Mais c'est une exception. On lit le Gorafi. C'est troublant, disons que c'est tellement bien fait que c'est troublant. De temps en temps, je me dis ah bon? Nicolas Sarkozy est de gauche. Voilà, vous laissez prendre alors. Ouais, je me laisse prendre, c'est vachement bien fait. Parfois, on voudrait que les nouvelles soient vraies. Oui, c'est vrai. Et vous qui avez 25 ans de carrière au haut de la vague, quand même, à peu près, on va dire ça comme ça. Ouais. Quand vous voyez arriver les nouvelles tendances de l'humour, est-ce que vous essayez de regarder ce que ça donne? Est-ce que vous essayez d'être client? Est-ce que vous les nouvelles demandez... tendances de l'humour, c'est bah, quoi je pense que sur 25 ans, vous avez vu arriver des gens comme les Norman, ça a quand même renouvelé l'humour. Ah, oui, la logographie. Au fond, ça revient. On fait tous le même métier. Qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, on essaye de faire rire les gens. Après, ça dépend. Je suis pas hyper fan du stand-up qui parle de rien, en fait. Comment je vais faire mes courses, comment je fais mon plein d'essence, comment je dévisse une ampoule électrique, ça me passionne pas. Et j'en parlais justement avec pardon de faire du name dropping, mais j'avais une grande discussion avec Jamel Debbouze justement à ce propos. Je lui disais, tu trouves pas qu'on arrive à la limite là du stand-up là? Les vous avez pas remarqué, les c'est tout pour moi, ça suffit quoi. Maintenant ceux qui font du stand-up, c'est presque une caricature de, on dirait des sketchs quoi, carrément. Tu vois? Donc il m'a dit oui, t'as raison. Maintenant il faut faire évoluer l'humour et je trouve que l'évolution de l'humour, mais moi je prêche ma paroisse ou ma synagogue, c'est de faire des personnages. Je trouve que c'est ça qui fait rêver les gens, c'est ça qui les emmène dans un autre monde. Quand Gad Elmaleh s'associe à Kev Adams pour faire un spectacle, genre pour se partager les publics, ouais. Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous vous dites, bah, c'est bien aussi de faire des ponts entre les générations, ou vous dites, tiens, c'est un peu opportuniste des deux côtés? Est-ce que vous auriez envie de faire un duo, par exemple? Vous pensez que c'est opportuniste? Je me suis posé la question. En tant que parce que moi, je me suis dit, en tant que peut-être amateur de Gad Elmaleh, je me suis dit, tiens, c'est peut-être l'occasion pour ces gens-là de découvrir Kev Adams, et l'inverse étant vrai. Donc je me dis, marketingement, c'est une bonne idée. Est-ce qu'ils vont travailler suffisamment pour faire un bon spectacle? Non, moi, ce que j'ai dit à Gad et à Kev, justement, j'ai dit, c'est super votre réunion. Maintenant, il faut qu'il y ait du contenu. Il ne faut pas que ce soit juste. Moi, je suis le vieux comique et toi, tu es le jeune. Je vais t'apprendre ce que c'est que la vie et ce que c'est que l'humour. Je lui ai dit ça, vous allez le faire 5 minutes, c'est sûr. Mais après, il faut du contenu. Il m'a promis qu'il y en aurait. Du contenu. Comme dans cette émission, bien sûr. C'est vrai, en ce moment, là, on va être un peu sérieux. Mais dans notre société, tout est tiré vers le bas. La culture, en tout cas, elle est en train de de disparaître, enfin pas de disparaître évidemment, mais on va vers la facilité. Ouais, on va vers la facilité. Donc même dans l'humour aussi, on va vers la facilité. Ça, ça m'énerve. Joker, j'ai raison. Sur le sweatshirt de Ellie, marqué sale gosse. Retenez gosse. Mais l'humour avec du fond, c'est aussi le Gorafi parce que voilà, il s'inspire de la exactement, qualité, il détourne les choses. Exactement. Non, mais c'est il fait débat. Vive l'intelligence. Eh oui, ah, justement, c'est... transition toute rêvée pour la polytechnicienne de l'équipe, Isabelle Sorrent. Alors moi, j'adore le Gorafi. Et aujourd'hui, c'était pas la question. Hein, oui, non, mais j'y réponds quand même. Sale gosse. Et aujourd'hui, je vais vous parler de dégradé, en fait, de dégradation. Imaginez qu'un homme vous annonce qu'il va vous dégrader, Charline, et qu'en plus, vous allez payer pour ça. Ça paraît surréaliste, mais c'est bien ce qui se passe dans votre salon de coiffure. Le salon de coiffure m'avait fait peur. Et oui, une coupe dégradée, par opposition à un carré, c'est une coupe à plusieurs étages. Oui. Ça va de la mèche qui retombe sur le visage au carré effilé avec plein de petites mèches incoiffables qui pointent dans tous les sens. Alors, ça vous est tous arrivé de vous sentir très malheureux parce qu'on vous avait coupé les cheveux trop courts. Ce n'est pas forcément que la coupe ne vous aille pas, mais vous avez dit à votre coiffeur, voilà, aujourd'hui on égalise juste 1 centimètre et vous ressortez, c'est le cas de le dire, dégradé. Alors, il existe en réalité en français 2 verbes dégradés qui sont des homonymes. Le premier est employé depuis le XIIe siècle, Guillaume. Je vois que ça, je suis passionné. Ça vous fait rire. Ça vient du latin dégradare et ça signifie, d'après le grand Robert, je cite mes sources, destituer quelqu'un de manière infamante de sa dignité, de son grade. Ah, dites donc, on passe de Jacques de Sange à Alain Rey directement. Directement, sans transition, parce qu'on est comme ça dans cette émission. Alors, le second verbe dégradé, employé lui depuis le XVIIe siècle, vient de l'italien digradare, et ça vient du monde de la peinture. Ça signifie affaiblir, diminuer progressivement un ton ou une couleur, tout en nuance. Alors, quand votre coiffeur vous propose de vous dégrader, vous avez bien sûr intérêt à savoir s'il fait allusion à l'amour de la nuance ou à un processus plus violent. Alors, certaines expressions peuvent vous alerter, par exemple « Oh, il y a beaucoup de matière ». Ou encore, ils ont bien poussé. En général, ces mots préfigurent une remise aux normes sauvages et la norme, c'est l'allègement de la matière, c'est-à-dire le dégradé. Alors, il ne faut pas accuser les coiffeurs, hein, ce n'est pas notre propos dans cette émission de stigmatiser les corps de métier, hein, n'est-ce pas, Guillaume ? Non, jamais. On n'a rien contre les CRS, rien contre les coiffeurs. En vérité, notre monde entretient un rapport très ambivalent avec la matière, parce que la façon dont nous traitons nos cheveux est finalement le symbole dont nous traitons tout ce qui bouge. Il s'agit que ce soit docile, il s'agit de gagner du temps, il s'agit d'alléger. L'allègement, voilà la loi de notre monde. On entretient avec la matière un rapport d'amour et de haine. À la fois, on reconnaît, hein, nous reconnaissons que nous avons besoin de la matière vivante. Nous reconnaissons que c'est beau, une forêt, un champ de blé, des cheveux, des animaux, des gens. C'est beau. Ouais, ça dépend des gens. Ça dépend des gens, mais c'est beau toutes ces choses qui bougent et qui vivent. Et en même temps, on veut être sûr que ça se comporte comme prévu, hein. Que ça ne se révolte pas, que rien ne vienne contrarier nos plans, y compris nos plans sociaux, par exemple, hein. Donc, on allège les contenus, comme vous le disiez, Ellie, on allège les yaourts, on allège les effectifs aussi. On dégrade par-ci, par-là, on taille dans la masse salariale et on a l'impression d'être plus efficace. Alors oui, les choses se font plus rapidement, on se coiffe plus vite le matin, mais est-ce que l'esthétique est respectée? Et si l'esthétique, l'élégance, c'était aussi un critère d'efficacité? Ce n'est pas si surréaliste de dire ça, hein. En mathématiques, la solution élégante, c'est à la fois la plus belle et la plus redoutable. Alors, d'un simple point de vue paysager, on pourrait se demander si nos bureaux de poste sans guichet avec des machines partout, si nos gares sans guichet avec des machines partout, si nos aéroports sans guichet avec des machines partout, si nos serveurs vocaux sans âme avec des voix débiles sont si beaux que ça, et si ça vaut le coup de se laisser dégrader juste pour aller plus vite, travailler plus vite, manger plus vite, déprimer plus vite. La dématérialisation, ça va vite, mais la matière, la lourdeur, la densité, la profondeur, l'odeur, la lenteur, la résistance, la vie, quoi. C'est moins docile, mais c'est pas mal aussi. Voilà. Merci. Bravo, Isabelle Sorrent. Public, vous applaudissez quand même. La démonstration d'Isabelle Sorrent. J'ai l'impression qu'elle aime la coiffure et la lutte des classes, tout l'inverse de Bernard Thibault. Merci, Alex. Merci Isabelle Sorrent. Allez, on va passer au troisième sujet. On reste dans le léger ou le... Bon, je vous jugerai. Johnny sort un nouvel album. Eh oui, mais surtout cette fois, Johnny a une vision du monde et de la société. Les journaux le disent. Johnny s'engage. Il est mu par ses combats, Johnny, la lutte contre les extrêmes, la lutte contre l'évasion... Johnny est de retour, ça fait du bien, comme une balade sur le Léman. Johnny s'adresse directement au public. Tout le public est là, absolu, sublime. Je vous préviens, n'approchez pas, que vous soyez flic ou badaud. Je tue celui qui fait un pas. Non, je ne ferai pas de cadeau. Éteignez tous ces projecteurs et baissez vos fusils braqués. Non, je ne m'envolerai pas sans elle. Je suis un fou, mais par amour, un fou d'amour. C'est très bien, maintenant tout le voisinage est au courant. Bon, soyez gentils, jetez un œil sur tout ça. Il n'y a que des tubes, c'est de l'or en bas. Un extrait de Jean-Philippe. Moi, je préfère presque entendre les kinés chanter. Pas vous, c'est, c'est un bon acteur, hein, Johnny. Hein. Moi, je l'avais vu dans Conseil de famille de Costa Gavras. Oui. Je l'avais trouvé excellent. C'était superbe. Ouais, ça, ça me revient. Vous confirmez, Hippolyte Girardot ? Oui, oui, tout à fait. Oui, d'accord. C'est un bon acteur. C'est un acteur qui, a ton nom, qui est mieux quand il ne parle pas. Et c'est pas toujours on le sait cas. Pas si c'est un compliment, c'est mais pas ça toujours, ça. Non, mais c'est pas toujours le cas. Il y a des acteurs, c'est mieux quand ils parlent. Exemple, Lucchini et Johnny, c'est le contraire. Mmh. Moi, j'aime beaucoup les acteurs qui ne disent rien. Ah, oui. Alors, je sais pas si c'est du lard ou du cochon. Ça, non, non, c'est du Gorafi. C'est du Gorafi. Alors, Johnny, bah, alors. Tiens, et pour la journée de la gentillesse, les Inrocks ont fait une critique sérieuse de Johnny. Ouais. C'est étonnant, oui. Ils disent, bah, d'habitude, ils le cassent. Bah, ils en parlent pas, je crois. Ah, ils en parlent pas. Pour ce dernier album, c'est pas de la variété rock lourdingue, ils disent. Ouais, c'est du blues rock moderne à l'américaine. Vous faites partie de ceux qui sont curieux de découvrir le dernier Johnny. Oui, très. Ouais, ouais. C'est vrai avec, avec Vincent Delerme ou Jeanne Chéral, c'est assez étonnant comme mélange. Oui, oui, en plus j'adore ces artistes-là que vous venez de citer. Savoir s'entourer, c'est aussi quelque chose que c'est indispensable. Il y a des gens qui ont, un talent, un talent pour s'entourer. Ça, c'est un vrai talent. En dehors du talent d'artiste, mais savoir s'entourer, je connais quelques personnes qui savent très très bien s'entourer. Et c'est souvent pour ça que ça marche pour eux. Et c'est aussi un des secrets d'Elysée Moon, de pouvoir bien s'entourer, et notamment sur D8 bientôt, dans l'émission. Oui, tout à fait. La preuve, c'est ça, ça fait, ça fait tout D8, le sel. 21 novembre, regardez-la, je vous en prie, c'est vraiment une émission très très originale. Et nous, on est très bien entourés, grâce aussi à Frédéric Fromet. Le Johnny des ondes de France Inter. Bonjour Frédéric Fromet. Bonjour à tous. Je sais que vous serez à Chambéry demain et à Paris dimanche, mais maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a chanté? Bah, puisque c'est la journée de la gentillesse, je vais faire une chanson pour les petits oiseaux. Ah bah voilà. Et contre les mecs en slip avec une paire. Ça fait pas rire les oiseaux, un mec en slip avec une pelle. Ça fait pas rire non plus la LPO qui se rebelle. Ça fait pas rire les oiseaux. Oh, oh, oh, on est vraiment rien sans pelle, sans slip à carreaux contre un écolo. Mais une pelle bio, l'appel du mec en slip sur Bougrain du Bourg. L'appel du mec en slip sur le web a fait le tour. Cui cui cui cui cui, aïe aïe aïe, cui cui cui cui cui, aïe aïe aïe. Mon slip et ma pelle sont des mots qui vont pas bien ensemble, pas bien ensemble. I love les piou piou, les piou piou, les piou piou, les piou piou que je piège. J'en bouffe au petit déj avec du pain grillé, grillé, du pain très cuit, cuit. Pelle sur Bougrain du Bourg, j'ai mis un coup de pelle. Je fais bien garou, hein. Braconnier, je suis fin comme un tracto. Pelle, il faut pas croire, c'est très nourrissant des pinsons. Je pose en slibard et je suis gras comme un cochon. C'est un drôle de moment, c'est une belle histoire. C'est un très gros mangeur de cuicui, de cuicui. Il s'est retrouvé dehors vêtu d'un slip. Il s'est retrouvé devant des types qui voulait lui piquer son petit déjeuner. Je n'ai rien fait. Tu oses pratiquer le braconnage Et si on vient t'emmerder, Belle des Champs. Et vous avez de la chance que je connaisse pas bien le répertoire de Marie-Paul Pell. J'ai encore rêvé de Pelle et de cuit-cuit. Les pinsons, j'adore ça, j'ai un petit QI. Je fais pas dans la dentelle avec mon slip bleu. Y'a des gens qui m'appellent tête de nœud. Pelle, il la met sur un écolo. C'est tellement bon, c'est succulent. Tous ces petits os qui croquent sous la dent, c'est des petits cuits-cuits pour des gros concons. Frédéric Frobet. Merci. Merci. Je vais dénoncer ce garçon pour avoir détourné la chanson des Beatles et je vais le dénoncer auprès de Paul Dunoyer qui est mon invité mardi et qui est le confident de Paul McCartney. Bien joué Fabrice. Je vous rappelle que mardi il y a deux événements à faire sensibles, la séparation des Beatles et la première de Elise Moon. Ils sont beaux tous les deux, vous faites un beau duo. Elise Moon, Fabrice Drouet. On s'est vraiment rencontrés lui et moi. Ah oui, Elise Moon a partagé, c'est le nouveau spectacle au Grand Point Virgule à partir de mardi jusqu'au 2 janvier. Voilà. Je ne connais pas du tout. Pardon, vous fêtez le 1er janvier avec vous, vous faites Oui, mais tiens, mais ça c'est une idée, voilà un bon plan. Ouais. Merci à tous, Guillaume Meurice, Hippolyte Girardot, merci. Isabelle Sorante, Alex Vizorek, merci à toute l'équipe technique, merci à Frédéric Fromet et sa guitare. Et on va laisser... Bise à tout le monde, bise à Jeanne, bise à Joséphine, bise à ma mamie. Voilà. Et le mot de la fin, on va demander à Johnny ce qu'il a pensé de l'émission, ok? J'en pense pas grand-chose, je pense que c'est pas terrible.